بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس للدرس 42 في شرح أصول الإيمان. Bienvenue aux chers frères, tous, bienvenue à tous pour ce 42e cours dans l'explication de Usul al-Iman de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Aujourd'hui on verra un hadith, wa huwa hadith Abi Darda, le hadith de Abi Darda, marfou'an, c'est-à-dire élevé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole, elle est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal. وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ. Ce qu'Allah a légiféré, a autorisé dans son livre, alors il est halal, licite. Et ce qu'il a interdit, alors il est illicite. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ. Et ce dont il s'est tu, alors cela est une clémence. فَقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ. Alors, acceptez la clémence venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa facilité. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَ شَيْئًا. Car Allah, il ne convient pas qu'il oublie quoi que ce soit. S'il n'a pas cité quelque chose, ce n'est pas parce qu'il a oublié. Il ne convient pas qu'Allah oublie quoi que ce soit. Puis, il a récité, sallallahu alayhi wa sallam, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma kana rabbuka nasiya, et ton Seigneur n'oublie pas. Hadith rapporté par Al-Bazzar ainsi que Ibn Abi Hatim et At-Tabarani. هذا الحديث أيها الإخوة فيه أن الدين كامل. Il y a dans ce hadith le fait que la religion est complète. فالمحرمات والمباحات قد بينت لنا. Les choses illicites et les choses licites nous ont été éclaircies, montrées de façon claire. والله تبارك وتعالى استثنى من المحرمات ما قد يحصل في حالة الاضطرار. Et Allah تبارك وتعالى a fait exception des interdictions. Tout ce qui peut arriver lorsqu'on est forcé, dans un cas de force majeure. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Et certes, il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit. Allah nous a détaillé tout ce qu'il nous a interdit, sauf ce qui nous arrive quand nous avons un cas de force majeure. Quand nous avons un cas de force majeure, comme l'exemple qui a été cité dans le Coran, le fait de manger la viande de porc lorsque la personne va mourir. La personne n'a pas le choix, il n'y a rien d'autre à manger que du porc. À ce moment-là, il t'est permis de prendre la quantité suffisante pour survivre et aller chercher autre chose. Tu ne vas pas manger tout le porc en entier. إذن هذا الدين كامل. Et donc cette religion, elle est complète. لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْئًا. Il n'appartient à qui que ce soit de rajouter ou de diminuer quoi que ce soit de cette religion, car elle est complète. وَحَقِيقَةً إِنَّهُ لَيَسُرُّنِي أَنَّنَا نَقْرَأُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْيَوْمِ. Et en réalité, franchement, je suis heureux de qu'on lise ce hadith aujourd'hui, le jour de Arafat. On a vu vendredi dernier, c'est le jour durant lequel Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole: El yaum akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'accepte, j'agrée pour vous l'islam comme religion. وهذا الحديث أيها الإخوة يذكرنا بحديث النعمان بن بشير. Tu souris déjà, c'est bien. Alors, c'est quoi le hadith de Nu'man ibn Bashir? Hein? Oui. Impossible qu'ils t'entendent là. Faut parler plus fort. Elle a une fille. So. Barakallahu fik, mashallah. Allahumma barik. Et donc, on comprend clairement de ce hadith que nous a récité Saleh. Inna al-halal abiyin. Certes, le licite est clair dans notre religion. Le licite est clair. Il est clair qu'il est permis de boire de l'eau. Il est permis de boire du jus de pomme. Il est permis de boire du jus d'orange. L'illicite est clair. Il est interdit de boire de l'alcool, interdit de boire du vin, interdit de fumer des drogues, etc., etc. Et il y a entre les deux des sujets ambigus. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le jugement de ces choses ambiguës. Et à force d'aller dans les ambiguïtés, ben il se peut qu'on tombe dans l'illicite. Alors le mieux, lorsque tu ne connais pas ce genre de choses, c'est de les délaisser. D'où l'autre hadith, un autre hadith qu'on avait vu, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Délaisse délaisse ce qui est étranger pour toi, ce que tu ne connais pas, pour ce qui n'est pas étranger pour toi. Ce que tu connais. Ça, tu ne sais pas, est-ce qu'il y a du porc dedans, les bonbons, est-ce que c'est avec de la gélatine, ou je ne sais pas. Yannis, si tu ne manges pas le bonbon, tu vas mourir. Non, mais ne le mange pas. Tout simplement. Si tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, etc., il vaut mieux le délaisser. Et donc, notre religion, mes frères, notre religion, elle est complète. Walhamdulillah. وكذلك في هذا الحديث وجوب الحذر من التكلم في الدين بغير حق وبغير علم. Il y a aussi dans ce hadith le fait qu'il est impératif de se méfier, de prendre garde au fait de parler dans la religion sans droit et sans science. Ah, ça c'est le problème qu'on a à notre époque. À notre époque, subhanallah, al-ali al-azim. Les gens, c'est tous des ulama, c'est tous des médecins, c'est tous des avocats, c'est tous des... Mashallah, ils connaissent tout. Ils connaissent tout en ce qui concerne la voiture, mécanique. Tu l'interroges, mashallah, oui, la voiture pour réparer, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu l'interroges dans l'électricité, il connaît, oui, l'électricité, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Dans la médecine, mashallah, oui, tel truc, ça fait ça, tel truc, ça fait ça, ça, ça, ça. Subhanallah. Fiddin, effatoua dans tous les sens. Ça, c'est le moussiba, c'est un mal, les frères. Chacun son domaine, chacun connaît sa spécialité. Notre problème, c'est qu'on veut trop. On veut trop être spécialiste dans tous les domaines et on veut parler, parler, parler, parler. Comme on a à notre époque. Tout le monde veut parler. Vaccin, pas vaccin, vaccin, pas vaccin, vaccin, pas vaccin. Il y en a à chaque fois, ils me disent, c'est quand Abdelkarim, il va nous donner son avis. Mon avis ne regarde personne. Moi, je ne suis pas docteur, moi. Moi, je suis Abdelkarim. Je n'ai pas étudié la médecine. Mon avis ne vous n'est d'aucune utilité. Chacun son domaine. La dernière fois, on m'a dit, t'en as parlé pendant la khotba, on s'est dit, tu vas donner ton avis. Eh ben non, ça sert à rien. Ça sert à rien que je donne mon avis, puisque je ne suis pas un médecin. C'est pas ma spécialité. Chacun doit apprendre à parler dans son domaine. Ton domaine, c'est la médecine, tu parles dans la médecine. Ton domaine, c'est la religion, parle dans la religion. Ton domaine, c'est la mécanique, parle dans la mécanique. Ton domaine, c'est si, parle dans ton domaine. C'est pas ton domaine, on apprend ce terme. On apprend à se taire. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre: وَلَا تَكُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Subhanallah. Ne dites pas de ce que vos langues décrivent de façon mensongère, ceci est licite et ceci est illicite. Ne dites pas ça. Ça c'est licite. Combien de fois on se précipite? Ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est haram. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous interdit de faire cela. Ensuite, il continue tabaraka wa ta'ala, dit taftaru ala Allah il kadhib. Tout cela pour inventer des mensonges sur Allah. Quand tu dis ça c'est halal, c'est tu as inventé un mensonge sur Allah. Si c'est le contraire. Car Allah tabaraka wa ta'ala, est-ce que tu as une preuve avec toi qui te montre que c'est halal? Est-ce que tu as une preuve avec toi qui te montre que c'est haram? Si tu ne l'as pas, attention, c'est grave. Parce que lorsque tu dis que c'est halal, attention, ça c'est halal, ça veut dire que c'est Allah qui l'a rendu halal. Là, tu es en train de parler sur Allah. Lorsque tu parles de cet objet que j'ai entre mes mains, et je vous dis cet objet, il est halal, je ne parle pas que de cet objet. Lorsque je dis le mot halal, il n'est pas devenu halal tout seul. Ça veut dire que c'est Allah qui l'a rendu halal. Si je mens, je ne mens pas sur l'objet, je mens sur Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il faut prendre garde à tout cela. Il faut prendre garde à cela. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit: Inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Certes, ceux qui inventent des mensonges sur Allah ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Dit: qui a interdit les bonnes choses qu'Allah a fait sortir pour ses serviteurs ainsi que les bonnes subsistances? Plein de personnes, tu les vois parfois: ah, c'est haram, c'est haram, c'est haram. Qui a interdit ça? Qui? Il ne faut pas se précipiter, oh chers frères. Dans notre religion, ce qui est licite, c'est clair. Ce qui est illicite, c'est clair. Tu ne sais pas, tu te tais. Tu ne sais pas, tu te tais. On aime trop parler, on se précipite trop souvent. Et on prend des mensonges, on prend des péchés à parler d'Allah tabaraka wa ta'ala de façon injuste. Il y a dans ce hadith un point important. Je vais relire le passage. وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةً. Et ce dont il s'est tu, alors c'est une clémence. هَلْ يُصَفُ اللَّهُ بِالسُّكُوتِ. Est-ce qu'on peut décrire Allah par le fait de se taire? Hein? Et donc, يُصَفُ اللَّهُ بِالسُّكُوتِ. Et donc, non. Ici, on a Ali qui nous dit qu'on peut décrire Allah par as-sukut, le fait de se taire. Vous êtes d'accord avec lui ou vous le laissez tout seul? Quand il dit sukut, ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas. Ça veut dire qu'il n'a pas parlé de cette chose. Ah, mashallah. Jamel, il nous dit sukut, le fait de se taire, ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas. Ce n'est pas le contraire de la parole. C'est le fait qu'il n'explique pas, qu'il ne cite pas le jugement de quelque chose. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit: Inna Allah tabaraka wa ta'ala yusuf bis-sukut. Allah tabaraka wa ta'ala, on peut le décrire par le fait de se taire. Wa anna hadhihi sifa thabitatun bis-sunnati wal-ijma'. Cet attribut est avéré et par l'épreuve de la sunna, le hadith qu'on voit aujourd'hui, ainsi que l'ijma'a, l'unanimité des savants musulmans. Ils sont unanimes quant au fait d'affirmer l'attribut de le fait de se taire concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Cheikh al-Islam yufassil. Il explique. Il nous dit: wa taratan ya'ti bima'na as-sukut ay ma yukhalifu al-kalam. Parfois, il se peut que ce terme soit attribué à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il soit voulu par là le fait de se taire, ce qui contredit la parole. لِأَنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ مَتَشَاءُ وَيَسْكُتُ مَتَشَاءُ. Car Allah parle quand il veut et se tait quand il veut. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Et il dit, Cheikh Al-Islam, « Mwataratan ya'ti hadha al-wasf bima'na adami idhari hukmi shay. » Et parfois, cette caractéristique, elle vient, mais le sens, ce n'est pas le fait de se taire. C'est le fait de ne pas montrer le jugement de quelque chose. Et c'est ce qui est voulu dans ce hadith. Ce qui est voulu dans ce hadith. Donc si on vous demande, est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala est décrit par cet attribut, vous dites, na'am, Allah yatakallamu matasha wa yaskutu matasha. Allah, il parle quand il veut et il se tait quand il veut. Dans le hadith, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite une parole d'Allah azza wa jal. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Et ton Seigneur n'oublie pas. Et ton Seigneur n'oublie pas. Dans d'autres versets, on a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. Ils ont oublié Allah, alors نَسِيَهُمْ. Est-ce qu'on va traduire en disant « Ils ont oublié Allah, alors il les a oubliés » Dans un autre verset, « فَذُوكُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا » Goûtez pour ce que vous avez oublié. Ce que vous avez oublié, la rencontre de votre jour. « إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ » Certes, nous vous avons oublié. C'est ce qui est voulu ici. Le verbe « nissien ». Il les a laissés. C'est ce qu'ils font, mais ils ont laissé. Taïeb. Idan al-ma'na kama qala ahlu tafsir at-tark. Fallahu tarakahum. La signification, c'est que Allah il les a délaissés. Allah il les a délaissés. Les savants nous disent, même pour l'être humain, parfois on utilise le terme oublier pour dire délaissé. Quand quelqu'un, tu sais que la personne ne t'a pas oublié, mais la personne n'a pas fait ce qu'elle devait faire pour toi. Tu lui dis, toi, tu m'as oublié, toi. Toi, tu m'as oublié. En gros, tu t'es occupé d'autre chose et tu n'as pas fait ce que tu devais faire pour moi. Tajahul, naam. C'est que tu le fais intentionnellement. Et donc, ce qui est voulu ici, ce n'est pas que Allah tabaraka wa ta'ala oublie, mais c'est qu'il délaisse ces gens-là. Parce que ces gens-là l'ont délaissé, ils se sont détournés de l'au-delà. Ils étaient ici-bas, concentrés dans leur dunya, et ont délaissé le rendez-vous le jour du jugement, alors à ce jour-là, durant ce jour-là, Allah tabaraka wa ta'ala va les délaisser de la même façon. Et donc, il est important donc, qu'on comprenne ici, Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas décrit par l'oubli. Il n'est pas décrit par l'oubli. Et voilà, voilà concernant ce hadith-là. Inch'Allah ta'ala, vendredi prochain, on continue Usul al-Iman. Donc, il n'y a pas cours demain, ni mercredi, ni jeudi. Inch'Allah, on reprend. Vendredi بإذن الله تعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا